J'ai vu couler trop de larmes, trop de mères en pleurs. Face à un tel drame, un trou d'une telle ampleur. Le sida, un fléau décimant par milliers. Africa, le très haut ne t'entend pas crier. Les fermes aux gens se ferment pour garder leur score en forme. Enfermant les infirmiers sous un voile de chloroforme. Faire d'une crise un marché. Admet que c'est dégueulasse. Si la justice est un archer, eh ben c'est que c'est pas dégueulasse. Les médicaments existent. Évidemment qu'on sait le faire, mais le DAS résiste. Que ces bâtards brûlent l'enfer. Les collabos pharmaceutiques accumulent les profits. Refusent d'être thérapeutiques au détriment de trop de vie. Pas assez de bénéfices, donc on laisse mère et fils. Je pose une pierre à l'édifice édifié devant tous ces vices. À combien ils évaluent la vie d'un gosse de 3 ans. Cheval sida et par lui face au poids d'actionnaires croissants. Sidafrique, c'est le clash. Sidafrique, le labo poursuit le trafic. Et au loin se suicide l'Afrique. Sidafrique, mais où pas si que les pharmacies fabriquent. T'as le traitement que si t'as le fric, donc viens et pose ici ta brique. Sidafrique. Sidafrique. Le treillis a changé, se détache et prend de la distance. Mais la blouse blanche ne cache pas les tâches dues à non-assistance. Un pays en danger, mais autant pisser dans un orgue. On compte le fric engrangé et l'Afrique fait office de morgue. L'ONU joue les coronaires, couronne roche tant que les euros naissent. OMC, OMS vont de pair comme deux coronesses. Ils se reconnaissent financiers, à brevet de commerce. La Beauvéreux qui se cache sous des dossiers ou des brevets commerce. Mais imagine un monde où Zidane serait atteint. Moi je te parie qu'il pourrait pondre à la seconde un tas de vaccins. Ça se dit médecin, mais préfère la thune à la science. Êtes-vous sûr d'être sain? Au fait, comment va votre conscience? Désolé, mais je peux me taire quand on fait de ma terre un cimetière. Entre maladie et guerre, trop terre, donc un avenir précaire. Respect aux assauts et à ceux qui se battent sur le terrain. Que tu t'appelles Roche ou Dassault, tu mourras sur le terrain. Sidafrique, c'est le clash. Sidafrique, le labo pour se trafic. Et au loin se suicide l'Afrique. Sidafrique, mais où va si que les pharmacies fabriquent? T'as le traitement que si t'as le fric, donc viens et pose ici ta brique. Sidafrique. Sidafrique. C'est pas une découverte, plus de 20 ans que le HIV fait l'effet lame dans plaie ouverte et continue à achever. Tellement de gens. Ça serait trop long à chiffrer. L'Amazonie ne suffirait même pas à tout archiver. Et pendant que les infirmes récalent, ils voudraient qu'on reste amical. Que le budget est le même pour le DAS et pour les amygdales. Industrie pharmaceutique, aka dealer médical. On vient vous claquer, choquer, aka dealer mystical. Sidafrique. Sidafrique. Sidafrique. Sidafrique. Tous les jours des enfants en Afrique. Sidafrique. Professeur dans les cliniques. Sidafrique. Contre l'État et sa clique. Sidafrique. C'est mystical et phonique. L'Afrique demande des génériques, on leur envoie des généraux. En matière de dégénérés, l'UE sait se montrer généreux. Et pour une baisse d'imposition, la routine c'est d'envoyer les médocs usagés, voire plus âgés que l'invention de la roue. Y'a bien eu le film d'Al Gore et quelques docs sur Canal J. Mais la vérité est hardcore qu'un clip d'idéalgie. C'est vrai, je me répète, mais l'heure est trop grave, c'est trop tard. Pas moyen que je rétrograde. Sidafrique, c'est le clash. Sidafrique, le labo, Sidafrique, et au loin, c'est juste Sidafrique. Sidafrique. Sidafrique, c'est le clash. Sidafrique, le labo pharmacie fabrique. Et au loin, c'est Sidafrique. Sidafrique, parce que c'est pharmacie fabrique. T'as le traitement que c'est Alfrique, donc viens et pose ici ta brique. Sidafrique, c'est le clash. Sidafrique, le labo pharmacie fabrique. Et au loin, se suicide l'Afrique. Sidafrique, mais où pas si que les pharmacies fabriquent. T'as le traitement que c'est Alfrique, donc viens et pose ici ta brique. Sidafrique. Sidafrique. Sidafrique, Sidafrique, Sidafrique, Sidafrique.